Leçon 4, exercice 43. Trouvez le contraire. Exemple. Il est paresseux? Non, il est travailleur. À vous. Il est nul en maths? Non, il est bon. Elle est sage? Non, elle est indisciplinée. Il participe? Non, il est effacé. Il est attentif? Non, il est distrait. C'est une prof sympathique? Non, c'est une prof antipathique.